L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La plupart des trous noirs supermassifs qui se trouvent au centre des galaxies sont cachés au sein d'un épais anneau de poussière et de gaz en forme de donut qui est appelé un tore. Alors que l'on pensait que cette matière provenait du voisinage du centre galactique pour tomber vers le trou, une étude montre qu'au contraire, le contenu de ce tore peut avoir été expulsé par le trou noir lui-même. C'est la galaxie M77 ou NGC 1068 qui a permis à l'équipe de Jack Gallimore de l'université Bucknell en Pennsylvanie de faire cette découverte. Distante de 47 millions d'années-lumière, M77 est une spirale barrée visible dans la constellation de la Baleine. Elle est classée comme galaxie de Seyfert, c'est-à-dire montrant un noyau actif. Au centre de M77 se trouve en effet un trou noir supermassif qui se nourrit grâce à un fin disque de gaz et de poussière proche de son horizon, un disque d'accrétion. Lorsque la matière de ce disque spirale vers le trou noir, elle s'échauffe fortement et rayonne en rayons X et ultraviolets. Les zones externes du disque sont, elles, plus froides et rayonnent en infrarouge et ondes submillimétriques qui peuvent être détectées avec le grand réseau de radiotélescopes ALMA situé dans le désert de l'Atacama au Chili. C'est en observant les régions externes du disque d'accrétion du trou noir supermassif de M77 que Gallimore et ses collègues ont pu observer des nuages de gaz, du monoxyde de carbone, qui, au lieu de tomber vers l'intérieur du disque et vers donc l'horizon du trou noir, au contraire s'en éloignent. L'explication de ce phénomène est que l'énergie transférée des zones internes du disque d'accrétion ionise partiellement ces nuages, qui deviennent alors sensibles aux puissants champs magnétiques qui entourent le trou noir. Les nuages ionisés sont alors accélérés par une force centrifuge le long des lignes de champs magnétiques, jusqu'à des très grandes vitesses. Elles ont été mesurées entre 400 et 800 km par seconde, ce qui est environ 3 fois supérieur à la vitesse de rotation des zones externes du disque d'accrétion, et au-delà de la vitesse d'échappement. Cette vitesse est donc suffisante pour expulser cette matière beaucoup plus loin dans la galaxie. Les effets magnétiques font que toute cette matière est éjectée sous la forme de jets coniques de part et d'autre du disque d'accrétion, qui sont orientés presque perpendiculairement au disque, environ à 80 degrés. Les chercheurs parviennent même à voir que ces jets seraient en rotation, une précession, autour de l'axe de rotation du disque d'accrétion. C'est toute cette matière qui forme ainsi le tore dense qui cache le trou noir. C'est la première fois que des observations permettent de montrer que le trou noir supermassif est caché non pas par le disque de matière qui lui tombe dessus, mais par le gaz qui l'éjecte via ses champs magnétiques. Cette découverte montre que le modèle des trous noirs actifs, généralement admis, est un peu trop simplifié. Les données fondamentales qu'il reste à déterminer maintenant pour vraiment comprendre la machinerie du trou noir supermassif sont d'un côté la quantité de masse qui tombe réellement dans le trou par rapport à celle qui se retrouve expulsée. ALMA devrait permettre sous peu de fournir de nouvelles précieuses données dans cet objectif. L'enjeu est de mieux appréhender, évidemment, les relations intimes qui existent entre le trou noir central et le reste de sa galaxie hôte. L'article de Jack Gallimore et ses collègues est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le numéro 829, en date du 15 septembre 2016. Et son titre est le suivant: High Velocity Bipolar Molecular Emission from an AGN Torus. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des trous noirs supermassifs se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission comme toujours sur podcloud.fr, sur iTunes et sur Stitcher. N'hésitez pas à vous y abonner. D'ici la prochaine, portez-vous bien, donc restez bien les yeux vers le ciel et vers ces nombreux trous noirs qui peuplent toutes ces galaxies. Et bien sûr, restez bien les pieds sur Terre également. Allez, salut !